nécessité pour payer son loyer. Triste calamité qu'on voudrait bien s'épargner. Job le jour, cours, cours, cours. Job le jour, pas par amour. Job le jour, caissier pompier. Job le jour, plombier barbier. Un idéal à quoi rêve celui qui est pris pour travailler toute